Exercice 2. Cette recette est meilleure, non? 1. Ton gâteau me semble meilleur. 2. J'aime mieux la crème au chocolat. 3. Nous trouvons votre sauce meilleure. 4. Votre four ne marche pas mieux. 5. Ces crêpes sont meilleures. 6. Non, ce dessert n'est pas meilleur. 7. Tu cuisines mieux.